Boa tarde, são 6 horas. Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien? J'imagine que ça ne peut qu'aller. Vous savez que vous allez avoir 2 heures de métal qui vont vous décrasser les oreilles et vous griller les neurones. Donc voilà, tout va bien pour le meilleur des mondes. Donc ce soir, comme d'habitude, eh bien, des nouveautés qui seront au nombre de 4. Et aussi, bah, ça j'ai appris ça ce matin, donc aux dernières minutes, un hommage à Tim Graber Hansen, qui fut le bassiste des légendaires Mercyful Fate au début des années 80 et qui a joué King Diamond à peu près à la même époque aussi. Donc tout en fin d'émission, on se fera donc un petit hommage à ce grand monsieur. Donc sinon, des petites choses que j'ai un petit peu laissées ces dernières semaines, enfin vous connaissez l'émission comme d'habitude, donc on va faire un petit survol de tous les genres, enfin tous, pas possible, mais d'une partie de quand même... De tous les sous-genres qui composent notre style musical préféré, et croyez-moi, il y a de quoi faire. Eh bien, on va commencer tout de suite avec une de ces nouveautés, avec une petite exclue d'Electric Shock, comme vous en avez l'habitude de temps en temps, qui nous vient de Hongrie, avec le deuxième album de Zoli Band. Alors, Zoli Band, c'est un projet, un des nombreux projets de Zoli Teglas. Alors, Zoli Teglas, c'est un musicien très connu puisque il a fait partie du groupe de punk hardcore Ignit depuis 1980. Et aussi, il a rejoint Pennywise en 2010. Il est très occupé. Et quand il a le temps, il retourne en Hongrie, dans son pays natal, et avec des musiciens locaux, il a formé donc Zoli Band, qui est plutôt dans un style alternatif entre, on peut penser un petit peu à Alice in Chains, pas mal de choses comme ça, Stone Sour ou autre. Et donc c'était son deuxième album qui s'appelle Santa Monica. Et ben je sais qu'il est sorti, je crois au printemps dernier, mais là moi j'ai reçu ça il y a quoi quelques semaines à tout casser. Donc c'est tout nouveau, tout beau, tout chaud pour Electric Shock et c'est en exclu. Et ben on va découvrir cet album maintenant avec le morceau A Separate Species. Yeah. Indoctrination à l'instant, un petit extrait de Walk the Sky qui est donc le dernier album de Alter Bridge qu'on vous passe déjà depuis plusieurs semaines. Juste avant, bah, c'était le premier morceau de la soirée et la première nouveauté, Zoli Band qui nous vient donc de Hongrie et son deuxième album Santa Monica, et c'était le morceau qui s'appelle A Separate Peace. Changeons un petit peu de style, maintenant allons faire un petit peu de progressif matinée de pop, à moins que ce ne soit l'inverse, avec le super groupe Flying Color, c'est leur troisième album Third Degree, et on va se faire un petit tour du côté de chez le Guardian. Could say Tout en virtuosité et en subtilité, bah ça peut être quoi? Bah Flying Color, c'est leur troisième opus, Third Degree, et c'était le morceau Guardian. Alors la subtilité, c'est bien joli, mais de temps en temps, on a envie de choses un petit peu qui arrachent tout, par exemple du death metal. Et bien c'est pour ça qu'on va revenir au quatrième album des Lyonnais de Death Awaits, Rapture Smites, avec une petite douceur qui s'appelle Barbaric Decadence. Oh, Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Là, je crois qu'on s'en est grillé un petit paquet avec les fous furieux de Death Awaits et leur album Rapture Smites. Et c'était le morceau Barbaric Decadence, tout un programme. Restons avec du Made in France, faisons un petit tour en Bretagne. Maintenant, on va passer de Lyon en Bretagne avec la deuxième nouveauté de la soirée, avec un groupe assez rigolo qui s'appelle Galoche. Ouais, rien que le nom déjà, on a envie de se marrer. Et Galoche, eh bien, c'est un duo basse-batterie avec deux voix. Ils sont en couple aussi bien à la scène que dans la vie. Et on peut dire que musicalement, c'est très punk. Et l'album donc s'appelle Rien ne vaut les travers, parce que bon, c'est clair que l'être humain n'est loin d'être parfait. Et en fait, comme ils le disent eux-mêmes dans leur bio, Galoche, c'est quoi? C'est du rock, de l'amour et du déglingo. Alors les textes parlent vraiment de la vie quotidienne, des gosses, du boulot, de comment pas discuter, de sexe aussi, enfin de plein de choses. Avec beaucoup d'humour, comme ce soir, vous allez pouvoir le constater sur cet album qui vient de sortir, avec la liste de courses. première neige, bah ça c'est les Fous Furieux de Parpaing-Papier, le EP Tester des Casques, qui je vous rappelle d'ailleurs, ça a été une des révélations dans Rock Hard de ce mois-ci. Juste avant, eh bien, j'espère que vous avez bien retenu, parce que c'était la liste de courses, hein, la liste de courses à faire pour ce soir, avec le groupe Galoche et leur premier album Rien ne vaut les travers. Oui, ça c'est clair, au moins c'est dit. Changeons encore une fois de registre, parce que c'est ça, le métal, il y en a pour tous les gens. Là, on va se faire quelque chose de beaucoup plus bluesy avec le nouvel album de Magpie Salute, donc le nouveau groupe de l'ancien guitariste des Black Crowes, Rich Robinson, qui s'appelle High Water 2, que vous devez commencer un petit peu à connaître, puisqu'on avait déjà passé quelques extraits depuis sa sortie. Et bah, pour ce soir, on va se faire un petit extrait qui s'appelle « Sooner or Later ». Sooner, yes, I'll find. country road. C'est bon, ça je m'en lasse vraiment pas. Je crois que je vous ai tout diffusé depuis sa sortie. Bon, si vous êtes de fidèles auditeurs, vous avez reconnu bien sûr le dernier Rival Sons, Feral Roots avec Back in the Woods. Et Rival Sons sera donc en concert samedi soir à Paris, à l'Olympia. Ben, si j'ai l'occasion d'y aller, vous inquiétez pas, je vous en parlerai la semaine prochaine, bien sûr. Juste avant Rival Sons, c'était donc The Magpie Salute avec leur dernier album High Water 2 et le morceau Sooner or Later. Et ben maintenant, on va se faire du pur heavy metal. Et on va revenir au Live in Japan 2018 de Riot V, qui est sorti donc cet été, dont on vous a passé pas mal d'extraits au mois de septembre. Puis j'ai un petit peu laissé tomber ces derniers temps, et on va y revenir. Donc, la dernière incarnation de Riot, qui interprète donc l'intégralité de l'album culte Thundersteel. Et on va s'en faire un petit extrait avec un morceau, allez, que je vous dédie à tous, puisque ça s'appelle Metal Soldiers. On est tous des Metal Soldiers. Ben, si vous écoutez Electric Shock, c'est obligé. Yeah! Oh, 30 ans de carrière. Et ouais, vous avez reconnu évidemment les inusables Saxons avec un classique extrait de Power and the Glory qui était sorti en 83, Distant Rocks. Et cette version live donc figure sur le dernier live, The Eagle Has Landed 40 Live, sorti cet été. Et puis d'ailleurs, tous nos voeux de rétablissement à Biff Bifford qui se remet tout doucement de son opération là, qui a eu lieu début octobre. D'ailleurs, les dates qui étaient prévues en Allemagne et en Angleterre là actuellement sont repoussées au mois de mars. Alors quant à une éventuelle date française, à suivre. D'ailleurs, tiens, si vous êtes fan de Saxon, le premier album solo de Biff Bifford va sortir fin février. Donc, vous voyez comme quoi tout va bien malgré tout. Juste avant Saxon, Riot V et leur dernier live in Japan, c'était Metal Soldier. Et on va se faire une nouveauté, la troisième de la soirée. Pour ça, on va refaire un petit tour en Hongrie avec le groupe Ocean. Alors Ocean, c'est une légende du rock hongrois, groupe qui existe depuis 1986 et qui a déjà au moins une bonne vingtaine d'albums à son actif. Et le tout dernier qui est sorti là, il y a peut-être quoi, un mois et demi, s'appelle A Remeni Ozo. Alors, me demandez pas ce que ça veut dire. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit appel. Si parmi les auditeurs et auditrices, il y aurait quelqu'un qui connaît un petit peu le hongrois, qui pourrait m'aider à dire ce que ça veut dire, vous pouvez m'appeler au 02 38 43 48 00. Même chose pour le titre qui va suivre. Hein, alors, excusez-moi pour la prononciation. Angzavarban A Harmoniat. Voilà. J'espère que j'ai pas trop écorché. Donc, on se l'envoie. Yeah. is wrong to real. Future people care. Plenty time to talk till. Yeah, we run thousands to keep it real. Yeah, we beat thousands to make it real. Then we say, do we have a deal? When you gonna watch you dying on the road? Dying on the road. You want to be a man of trouble. You want to be the man of liar. You will be the one of blood. Not a second. You want to be the man of cheating. You want to be the man of bronze. You will be the one of trash. Trash lover. Presque 20h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, 19h59 exactement. Et ouais, la quasi première heure d'Electric Shock s'achève à l'instant avec les Vosgiens de Dog and Style et leur troisième album Only Stronger. Et c'était Do We Have a Deal. Juste avant, c'était une des nouveautés, la troisième de la semaine, avec les Hongrois de Ocean, une légende locale, avec leur nouvel album Aremeni Ozo. Une fois de plus, je m'excuse pour la prononciation. Et on a découvert le morceau Angsa Varban A. Harmoniat. Voilà, j'espère que j'ai pas trop écorché la prononciation. Voilà, je m'excuse d'avance pour les gens qui parlent le hongrois. On change à nouveau de style. Tiens, on va refaire un truc assez bluesy. On va revenir au dernier live du staccanoviste du blues rock, c'est-à-dire Joe Bonamassa, qui nous est revenu là la semaine dernière avec un nouveau live enregistré à Sydney, live at the Sydney Opera House. Et l'ami Joe, il va nous inviter à partir en train avec justement This Train. visiteurs, pardon, tous les voyageurs descendent. Nous sommes arrivés à quai. C'était donc Distrain, un petit extrait du live de Sydney Opera House de Joe Bonamassa. Eh bien, justement, on a pris le train de Sydney pour arriver maintenant à Lille, où on va revenir à l'album de Alouette, groupe de métal symphonique qui vient nous sortir son deuxième album, The Machine and the Beast, que je vous ai présenté la semaine dernière. Enfin, même si cet album est sorti en 2017 en autoproduction, là, sa véritable sortie vient de se faire actuellement. Eh bien, on va se faire un petit extrait donc de ce deuxième album qui s'appelle donc The Machine and the Beast. Ouais, je vous l'avais dit, ça je viens de vous le dire. Et le morceau de ce soir, c'est So the Song Went Silent au Moyle. C'était notre petit moment de douceur et de mélancolie avec le groupe Alouette et son deuxième album The Machine and the Beast. Et c'était le morceau So the Song Went Silent O'Moyle. Et bien maintenant, on va se faire la quatrième et dernière nouveauté de la soirée avec, dans la série Faisons du neuf avec du vieux. Bah, la semaine dernière, si vous vous souvenez, on a eu droit à la réédition d'Overkill de Motorhead pour les 40 ans, donc avec en deux CD, l'album remasterisé plus un live. Eh bien, c'est la même chose pour Bomber, qui est sorti la semaine dernière également. Donc, on a donc une version donc remasterisée du fameux album Bomber, un album qui n'a qu'un défaut, en fin de compte. Et c'est vrai que c'est un album qu'on a tendance à oublier, parce qu'il est coincé entre deux très grands albums de Motorhead, Overkill et Ace of Spades, qui a succédé à Bomber. Et du coup, on a tendance vraiment à le laisser de côté, cet album. Eh bien, comme pour Overkill, celui-ci aussi bénéficie d'un live bonus enregistré au Mans au mois de novembre 1979. Tiens d'ailleurs, j'en profite, si vous êtes fan de Motorhead, eh bien Phil Campbell, le guitariste, a sorti son premier album solo, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait habituellement avec ses enfants, avec The Bastard Sons. Et ça nous donne un album que j'ai eu l'occasion d'écouter, qui est vraiment très très bien. D'ailleurs, un grand merci à mon ami Totor pour me l'avoir fait écouter. Donc Totor, si tu écoutes, ne t'inquiète pas, ce sera partie des nouveautés dans quelques semaines, mais voilà, il en faut pour tout le monde. Et bah, l'ami Phil Campbell, quand il fait un album et qu'il appelle ses potes, avouez qu'il y a quand même du beau monde dessus, puisqu'on y retrouve ni plus ni moins que Alice Cooper, Joe Satriani, Dee Snider, Rob Halford, des gens passés des meilleurs. Puis bien sûr, il n'a pas oublié ses Bastard Sons. Bref, ça nous donne un album très varié et très intéressant, donc voilà, à suivre. Et bien donc, comme pour la semaine dernière, on va se faire deux petits extraits live de l'album Bomber, deux morceaux qu'on a tendance à oublier, parce que Bomber, on pense vraiment au morceau titre. Et là, ce soir, on va se faire une petite version live décapante de All the Aces, pour commencer. I'm just a good time man. The ring I don't know where the money goes. It's just about a fight. I ain't got no rights. Okay. Okay then. This is another opus nouvelle. You see, I speak French very well. Oui. Oui. Oui. N'est-ce pas? This one is called Dead Men Smell Toenails. Touchant d'entendre Lemmy dire merci à son public. C'était donc deux morceaux, pas ceux qu'on a tendance à penser lorsqu'on fait un best-of de Motorhead. Dead Men Tell No Tales et All the Aces, tous deux extraits de Bomber. C'est extrait du live bonus Sharpshooter Live at la Rotonde, Le Mans 1979, enregistré le 3 novembre exactement, comme quoi il y a 40 ans, presque jour pour jour. Et aussi une petite pensée quand on sait que le trio infernal des trois là, aucun n'est encore vivant puisque Lemmy et Filty sont décédés en 2015, un mois d'écart. Et puis Eddie Clark nous a quittés en début 2018. Eh ouais, c'est la vie comme quoi. Bon, revenons à nos moutons, c'est qu'à de le dire. Maintenant, tiens, on va se faire un petit peu de heavy metal made in Hungary une fois de plus, et on va revenir au dernier album de Moby Dick, Therapia, avec une petite tuerie qui s'appelle Minden Edgy. És angyal, fekete-fehér, minden egy.

immuable, au sang transparent, riant comme le diable. Si vous avez vu une créature semblable, faites avec nous son portrait invraisemblable. Il a des bras, il a des cheveux, il parle tout le temps, il a des yeux. L'homme est un tour d'homme. Quel monstre vous a piqué? Monster, monster, monster. Tu es là. Monster, monster, monster. Viens par là. Monster, monster, monster. Approche-toi, nous ne ferons pas de mal. Un morceau de budget pour notre invité spécial. Les Fous Furieux de Magoyand, ouais, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas passé. Extrait donc de leur double album Crypt Show, c'était La Rumeur Monster. Juste avant Magoyand, venu de notre Hongrie pour notre plus grand plaisir, et leur dernier album Therapia, c'était Moby Dick et le morceau Minden Eiji. Eh bien, elle aussi, ça faisait une semaine ou deux qu'on l'avait un petit peu mise de côté. Et c'est Lee Aaron, la Metal Queen, l'auto-proclamée Metal Queen des années 80, qui nous est revenue fin septembre avec son premier live, Power Soul Rock and Roll Live in Germany, que j'ai particulièrement apprécié. Je m'attendais pas à ça du tout, d'ailleurs. Et d'ailleurs, sur ce live, eh bien, il y a des reprises, il y a des morceaux, etc. Bon, je dois avouer que j'étais pas très familier de la discographie de la belle canadienne. Moi, je m'étais arrêté aux deux premiers albums, Lee Aaron et puis Metal Queen, justement. Donc, quand j'ai regardé la setlist de ce live, j'ai vu que ça commençait par Mistreated. J'ai même pas pensé que ça pouvait être le Mistreated. Non, je me suis dit, tiens, un morceau qui porte le même nom que... Et quand j'ai commencé à écouter et que j'ai entendu les premières notes de guitare, je fais « Oh !» Elle reprend ça, et en plus d'entrée, ben faut être sacrément courageux. Je me dis putain, est-ce que... Et franchement, succéder à David Coverdale, Glenn Hughes ou à Ronnie James Dio, eh ben vraiment bravo, faut en vouloir. Et cette version ben, qui figure sur ce live, je la trouve vraiment très très bien, et la belle nous montre qu'elle a vraiment une voix vraiment parfaite pour ce style-là. Vous êtes prêts à découvrir Mistreated repris par Lee Aaron? Ah ben, de toute façon, que vous êtes prêts, soyez prêts ou pas, vous l'aurez. Thank you. Waouh, je vous l'avais dit, hein, que cette version de Mistweetied déchirait tout, n'est-ce pas, hein? Vous avez pu le constater. Donc, le classique de Deep Purple de Mistweetied l'a repris magnifiquement par Lee Aaron sur son live Power Soul Rock and Roll Live in Germany. Waouh. Changeons un petit peu avec quelque chose de beaucoup plus heavy, avec un superbe live sorti début octobre et dont on n'a pas fini d'en entendre dans Electric Shock, croyez-moi. C'est le United Alive in Madrid de Helloween. Alors pour l'instant, le Helloween New Look, qui contient donc le line-up actuel, plus les revenants Mikael Kiske et Kai Hansen, on a eu droit, je vous ai passé un petit peu de tout, des morceaux où juste on a les deux chanteurs qui se renvoient la balle, d'autres où on a juste Mikael Kiske, d'autres où on a juste Andy Deris. Puis il y en a un qu'on a un petit peu oublié, bah c'est Kai Hansen, et Kai Hansen a été mis à l'honneur sur cette tournée aussi, parce que bah on a tendance à l'oublier, mais Kai Hansen, bah il chantait également, il ne se contentait pas de jouer de la guitare Helloween au début, sur le premier EP éponyme qui était sorti en 85 et sur Walls of Jericho qui les avait fait révéler, et ben bah, c'était Kai Hansen qui donnait de la voix, donc voilà, donc il a droit à son petit medley, son petit quart d'heure de bonheur. Et c'est ce petit medley qu'on va s'envoyer maintenant, avec des petits extraits de Starlight, Ride the Sky, Judas et Heavy Metal is the Law. 13 minutes de bonheur. Waouh, quel medley, n'est-ce pas? Starlight, Ride the Sky, Judas, Heavy Metal, Les de l'eau. Et ça, c'était donc Halloween sur le fabuleux Live United Alive in Madrid. Comme je vous l'ai dit en tout début d'émission, eh bien, on va se faire un hommage donc à Tim Hansen, qui a été bassiste du fameux Mercyful Fate dans les années 80, ainsi que de King Diamond, qui est décédé à l'âge de 61 ans. C'est vrai que quand on parle Mercyful Fate, on a plutôt tendance à penser aux vocalises complètement hallucinées de King Diamond et au duel de guitare acharné des deux guitaristes. Mais c'est vrai que le son de basse de Tim Hansen n'est pas non plus à négliger. D'ailleurs, la preuve. En hommage, on va se faire un petit extrait du fabuleux Melissa qui était sorti en 1983 et La Curse of the Pharaoh. We'll be right back. Et voilà, c'est le fabuleux Curse of the Pharaoh de Mercyful Fate, extrait de l'album Melissa 1983, qui sera donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Et ça, c'est en hommage évidemment à Tim Graber Hansen, qui était le bassiste des années dorées, donc du groupe légendaire danois. Et ben voilà, Electric Shock, c'est fini pour ce soir. Merci d'avoir été fidèle et à l'écoute encore une fois de plus. Alors je vous retrouve la semaine prochaine. Alors surtout la semaine prochaine, ne ratez pas, car c'est l'émission anniversaire. Et oui, donc il y aura plein de cadeaux pour tous les auditeurs et les auditrices. Et puisqu'Electric Shock, la semaine prochaine, célébrera ses 14 ans d'antenne quand même, excusez du peu. Et cette année, ce sera un double anniversaire, puisque nous célébrerons en même temps les 30 ans de métal sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, ça fait 30 ans que le métal figure à l'antenne de Radio Arc-en-Ciel, depuis donc 1989, bien sûr. Et oui, puisque n'oublions pas que Fred avec Metal Maniac était là avant moi depuis pendant 16 ans et que voilà, donc ça nous fait donc 30 ans sans discontinuer, donc double anniversaire, donc ne ratez pas l'émission la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal bien sûr, et puis à mardi prochain, salut à tous.